Voyage de l'âme, perdu dans les funk, sans feeling. Non, non, mais ça allait, c'est bon. Sans feeling, non, mais ça allait. L'espace du fin. Espace flambé. Flambé au dance floor. Espace flambé. L'espace du fin. Passe de fois.